Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, La fin du monde et nous, tous survivalistes. Une série de Nejma Bouakra réalisée par Yvon Croisier. Au départ de cette série, il y a le réchauffement climatique qui nous murmure la fin du monde à l'oreille et tout un tas de scénarios catastrophes avec épidémies, pluies de sauterelles, comètes folles, famines et guerres civiles. Mais on peut se dire aussi que la catastrophe peut survenir juste à côté de chez soi. Alors pour commencer, les personnages. Une habitante qui a du nez, un historien qui déroule le fil, une riveraine qui s'inquiète, une philosophe qui dit la menace, une habitante qui se souvient, un spécialiste du risque, un retraité du site et une chercheuse qui scrute les crues. Ensuite, le décor. Une raffinerie, des zones urbaines, une autoroute, le couloir de la chimie, une fuite de gaz, des archives sonores, un incendie, des explosions, 18 morts, les minguettes, comme par hasard, le Rhône, la trahison, la contamination, la collapsologie, Grenoble, une rivière, l'espoir et l'aquabon. Aujourd'hui, deuxième épisode, il y a un train qui passe. Nous sommes en face de la raffinerie de Fézin et de l'autoroute A7. Stéphane Friou. Donc le bruit est quand même assez continu, hein, c'est une rumeur incessante avec les installations de la raffinerie et puis le trafic routier de voitures et de poids lourds qui passe à quelques mètres des installations de la raffinerie. Et c'est vraiment un bruit qu'on va entendre même un dimanche d'hiver. Bon, il y a aussi une voie ferrée. Les trains circulent, voilà. Le paysage est très au fond du paysage, on voit les monts du Lyonnais, donc est très vert, hein, et finalement, et c'est aussi le paradoxe d'avoir ce bruit incessant avec en toile de fond un paysage un peu agreste et champêtre. Non, bah, c'est vrai qu'on est à l'usine là-bas, qu'on a la fumée qui part, ça sent vraiment trop. Hein. Comment l'odeur? Bon, l'odeur à gaz et tout ça. Parce que moi j'habite au côté. Alors, vous savez ce qu'on fabrique là-bas? Je sais pas, ça sert à rien, c'est quoi là-bas? Vous savez, oui. C'est une zone très urbanisée? Oui, effectivement, puisqu'on voit qu'en bas, juste en face de nous, devant la raffinerie, on a des barres d'immeubles qui sont également devant l'autoroute. Gwenola, Le Naour. Et qui sont des immeubles d'habitation. Il y a notamment le quartier des Rases, qui est un quartier très connu, qui a été édifié au moment de la raffinerie et qui est vraiment face à la raffinerie, donc qui profite du bruit de l'autoroute et du bruit de la raffinerie. C'est très concentré. Effectivement, il y a une concentration importante dans ce quartier nouveau des Rases au pied de la raffinerie. Il y a également une concentration importante de l'autre côté du Rhône, puisque la raffinerie est située Renaud Becco en bord de Rhône. Et de l'autre côté du Rhône, on distingue Pierre Bénite, par exemple, dans lesquels il y a eu un certain nombre de nouveaux quartiers construits dans les années 60, donc quasiment au même moment auquel on construisait la raffinerie. Derrière nous également, comme on est sur les hauteurs de Fézin, il y a un certain nombre de nouveaux quartiers qui ont été construits dans Fézin dans les années 60. Et un peu plus loin, il y a Vénissieux, dans lesquels il y a eu également des constructions de grands ensembles dans les années 60-70. À la sortie de Lyon, face à l'autoroute A7, en sortant de la raffinerie, on casse la croûte à midi, on joue aux boules. Le stade et la piscine Jean Bouin font face aux cheminées couleur feu l'hiver. Les équipements publics ne manquent pas et les clubs de football ont été largement financés par les entreprises du couloir de la chimie. Ici, on vit à l'ombre des cathédrales d'acier, des poutrelles et de gigantesques cuves, des torchères à fumée noire, et parfois passe un nuage chargé en dioxyde de soude. Ici, on vit sur le dos d'un volcan nommé Catastrophe. 26 000 habitants et 12 000 employés, 13 établissements classés à haut risque et une forte densité de petites entreprises profitant de la pétrochimie, comme le secteur pharmaceutique et les start-up en biotechnologie, se trouvent là, à Pierre-Bénite, Solèze, Fézin et Saint-Fons. Après 10 années de concertation, le PPRT, le plan de prévention des risques technologiques, circonscrit les risques, parcelle par parcelle, des zones savamment détourées, objets de discorde et d'âpres négociations. Coup de tonnerre, le 10 janvier 2019, le PPRT, après avoir été adoubé, a été annulé pour vice de procédure car dispensé d'une évaluation environnementale par une instance non indépendante, la préfecture à la fois jugée partie. Vivre dans le couloir de la chimie, c'est expérimenter chaque jour les aléas des rejets et la contamination sur la longue durée des sols ou encore la pollution de l'air. Vivre avec la catastrophe. Nejma Bouakra, Yvon Croisier. Ces cuves sont celles qui, à Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère, servent d'ores et déjà au stockage du pétrole brut en provenance de Fos-sur-Mer en attendant qu'il soit dirigé sur la raffinerie de Fézin. Mise en service de la raffinerie en 1964. Hier, 37 000 mètres cubes sont arrivés par le pipeline et seront conservés jusqu'au 15 mai avant d'être dirigés sur la raffinerie. Les vannes sont absolument hermétiques et toutes les odeurs sont écartées grâce à un procédé nouveau. Renaud Becot, historien de la santé au travail et de l'environnement industriel. Oui, alors donc ce qu'il faut visualiser quand on parle du couloir de la chimie, c'est qu'il y a des collines des deux côtés du Rhône. En fait, les Minguettes d'un côté, côté est, sont situées sur le sommet d'une colline. On parle du plateau des Minguettes et qu'on commence à urbaniser dans les années 60, au même moment où on construit la raffinerie. Il y a un certain nombre de conseillers municipaux ou de maires, je pense en particulier au maire de Saint-Symphorien-d'Ozon, qui était médecin, qui alerte sur ce point, qui dit on va construire une raffinerie, on sait qu'il y aura des pollutions liées à cette raffinerie, on sait que ça peut provoquer des maladies respiratoires ou faciliter des maladies respiratoires, est-ce qu'on veut vraiment prendre ce risque ? ...1966. Alors Bernard Franget, il faut en revenir, je pense, au déroulement et aux causes d'un drame peu ordinaire qui semble s'être produit en trois temps. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'explosion ou les explosions de Fézin ? Eh bien, il semble en effet qu'à l'origine de l'explosion, encore que maintenant l'enquête n'en soit qu'à son début, il y ait une fuite de gaz propane. Le gaz se serait répandu sous une sphère et aurait gagné la route. À ce moment-là, on a tenté d'arrêter la circulation, mais une voiture a malheureusement passé. Elle a enflammé la nappe de gaz, probablement par une étincelle qui a dû jaillir de son moteur, et très vite, le feu a gagné la cuve la plus proche. L'incendie a pris très vite des proportions assez importantes, et c'est lorsque les sauveteurs s'approchaient de cette première sphère que la première explosion a eu lieu. Elle a ébranlé tout le quartier et en ce moment-là, la série d'explosions a gagné les cuves voisines et c'est ainsi que la catastrophe s'est déployée. Bernard Frangin, quel est le dernier bilan de cette catastrophe de Fézin ? Je pense que ce bilan a malheureusement évolué depuis ce matin. Eh bien, actuellement, le bilan est de 12 morts qui ont été retirés des décombres et sur ces 12 morts, il y a 10 pompiers, 3 pompiers de Vienne et 7 pompiers de Lyon. Dernier bilan, 18 morts et 80 blessés. À la fin des années 60, après l'accident de 1966, on commence à parler d'une extension de la raffinerie. Et à ce moment-là, on évoque aussi la continuité de l'urbanisation des Minguettes. Et le maire de Vénissieux de l'époque, Marcel Houel, va alerter sur ce point en disant « mais si on étend la raffinerie de Fézin, ça veut dire qu'on étend aussi la pollution qui va affecter les Minguettes. Et dans les années 70, quand le quartier sera construit, on retrouve dans les archives départementales certaines lettres qui alertent sur le fait que certaines journées, en été notamment, quand il y a des pollutions importantes qui viennent de la raffinerie, il y a des enfants qui font des crises d'asthme, notamment dans ce quartier des Minguettes. C'est 30 à 35 000 personnes qui arrivent en quelques années aux Minguettes, la moitié de la population de Vénissieux. Donc c'est vrai que c'est une urbanisation spectaculaire à quelques encablures de ces cheminées. Alors qu'est-ce qu'on fabrique ici ? On fabrique des produits chimiques, la pétrochimie. Est-ce que parfois il vous arrive de sentir des odeurs particulières ? Oui, notamment quand il y a la grande flamme qui brûle, on sent des odeurs de chimie, de mauvaises odeurs, âpres, qui attaquent la gorge. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites ces jours-là ? Vous fermez les fenêtres ? Ben, si je suis dehors, j'ai un peu de mal à le faire, mais si je suis chez moi, oui, ça m'arrive de fermer mes fenêtres. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bonne question, j'ai pas la réponse. Fermer les usines ? Mais bon, tout le monde ne dira pas oui. C'est une question qui peut vous inquiéter en vivant dans cette ville de Pierre-Bénite ? Qui m'inquiète de plus en plus parce que c'est de plus en plus pollué. À Lyon, à Pierre-Bénite, et on s'en rend compte. Dans les appartements, il y a de plus en plus de poussière grasse. Donc oui, le ciel est souvent très bas. On voit cette espèce de brume de pollution très très souvent le matin quand on se lève de bonne heure. Comme moi. Voilà. Elle a quelle couleur ? Une espèce de gris, un vilain gris. Donc on va nous obliger à investir pour avoir une pièce qui va être hermétique, pour pouvoir rester enfermée si jamais un jour on entend les sirènes nous demandant de rester chez nous. On apprend à nos enfants dans les écoles que quand ils entendent cette sirène, en dehors du mercredi, du premier mercredi de chaque mois, eh ben, faut pas sortir de chez soi. On a des documents dans nos boîtes aux lettres qui nous expliquent qu'on est dans une zone à risque. Donc non, c'est pas rassurant. Et est-ce qu'il vous est arrivé d'entendre des sirènes ? Ça nous est arrivé, oui. Oui, oui, c'est arrivé, quelques fois. Il y a eu des fois, c'était des erreurs. Je me rappelle plus quand, mais j'ai souvenir, effectivement, d'avoir entendu une fois, en dehors d'un mercredi, premier du mois, sonner l'alarme. Vous avez su ce qui s'était passé ? Non. Je ne sais pas du tout. Et de là à déménager ? Ben, si on avait les moyens, on le ferait, c'est sûr. C'est pas le cas. Vous pensez souvent à la catastrophe ? Non. Non, moi je suis plutôt positive, donc je pense pas aux catastrophes. Je préfère ne pas y penser. Elsa Dorlin, si nous sommes dans un monde instable, contaminé, le danger n'est plus situé, mais peut surgir à n'importe quel moment, tel un nuage radioactif ou via des nanoparticules. Est-ce que cela fabrique de l'impuissance, ce monde instable ? Alors la conscience de cette contamination, elle fabrique de l'impuissance, mais d'abord elle fabrique de la sidération, enfin elle produit de la sidération. Puisque elle part d'un état sensoriel ou psychique où une partie des populations avait le sentiment et la pleine conscience de vivre en sécurité, y compris sanitaire, environnementale. En revanche, ces dernières décennies, la prise de conscience que finalement des populations qui jusqu'ici se sentaient épargnées de cette contamination du monde, de cette toxicité, une partie de ces populations soi-disant épargnées prennent conscience qu'elles-mêmes, elles ne sont pas épargnées, que finalement, elles aussi, elles sont empoisonnées par l'eau, elles sont asphyxiées par l'air, meurtries par de la nourriture ou d'autres substances. Et donc, vivre autour d'une usine, c'est de toute façon pas vraiment être dans une situation d'impuissance, mais plus exactement dans cette tension ou de cette injonction contradictoire de devoir aller à l'usine pour travailler de vivre à proximité de l'usine et d'en être empoisonné, alors que d'autres populations ne voyaient plus les usines, ne sentaient plus les gaz, ne voyaient plus les eaux contaminées par les rejets, etc., etc., dans une sorte de d'inconscience ou de fantasme, enfin de vie fantasmée, que elle vivait effectivement saine et sauve. Madame, juste derrière vous, on voit des cheminées. Qu'est-ce que c'est comme cheminée? Ben là, il y a les cuves, il y a les cheminées, on a un peu tout, quoi, mais bon. Ouais, bon, ben oui, bon, ben. Qu'est-ce qui sort, vous savez? Ce qui sort, ben, c'est vraiment. C'est de la pollution, hein, mais bon. Ben de nous ici, c'est-à-dire qu'on ne sent pas trop. C'est plutôt ceux qui viennent de Lyon, qui viennent de Vienne ou de Chasse, hein, mais bon. On est là, on fait avec, il n'y a pas de choix. Oui, là, on est à 200 mètres, 300 mètres, hein, oui, c'est hein, ça. Par là. Hein. Et de temps en temps, le matin, on sent des odeurs? Ouais. Ou oui, le soir, oui, quand, oui, quand le soir. Plutôt quand il y a un peu de vent. C'est vrai. Quand il y a du vent, ça sort plus, hein, l'odeur. Hein. Mais bon, nous, ça fait. On a vu la raffinerie quand elle a explosé. Ça fait plus de 50 ans, je crois, non? C'est ça, hein? Le 4 janvier 66, quand les fers, elles ont explosé et tout. Mais enfin, bon. Je pense que la sécurité doit y être, mais bon. Oui et non? Et depuis, vous entendez parler de fuites de temps en temps? Oui, oui. À la gare, Ciblin, là, c'est souvent, hein. Oui, oui, oui, ouais. C'est souvent d'abord à la gare Ciblin. Hein. Mais bon, des fois, ils ne lisent pas tout, hein, parce que bon, ils vont mettre ça sur le progrès tous les jours, hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu souvent des incidents là-bas, hein. Oui, oui. Puis à part ça, bon, la flamme, des fois, bon, c'est vrai qu'elle est bien haute, hein. Mais bon. Des fois, ils font sortir un peu, hein. Ils font sortir un peu, mais soi-disant qu'ils le feraient la nuit, mais bon, des fois, la journée, faut voir qu'est-ce qui nous sort, hein. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Qu'est-ce qui vous sort? Comment vous pourriez décrire ça? Mais une fumée noire. Noire, noire, noire, noire. Puis l'odeur, des fois, c'est désagréable, mais bon. On ne peut rien faire, hein, c'est comme ça. Hein. Et pourquoi pas partir? Partir? On va aller où? Je suis avec ma mère, elle habite en dessus, moi j'habite en bas. Ça fait plus de... Aller où? On va aller où? Il faut aller dans le midi. On aimerait bien. Bonjour. C'est une histoire de fond. Il faut pas avoir un peu plus d'argent pour partir? Non, on a nos habitudes ici. Ma mère a ses enfants. On a nos petits-enfants, puis voilà, quoi. On va aller où? Puis nous, on est tous à côté, hein, mes frères et sœurs derrière, on est tout autour, quoi. Et parfois, vous n'avez pas l'impression de dormir sur le dos du volcan ou de la catastrophe, en étant si près d'un site industriel? On y pense, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben nous, là, déjà, on est en zone de délaissement. Vous le savez, non? On est en zone rouge, nous, là. C'est-à-dire que c'est le préfet, hein, qui fait partir ça. Hein. C'est le préfet. Hein. Donc là, ils appellent ça la zone de délaissement, en zone rouge. Puis là, ils nous disent qu'il faut mettre double vitrage. Enfin bon, il y a un tas de trucs à faire. Hein. Alors soit on laisse la maison, soit on la laisse, soit il faut faire les réparations. Vous êtes aidé pour ça, pour faire les réparations? Normalement, oui. Hein. Ils nous donnent 20 000 euros, je crois, le plafond. 20 000 euros, mais bon. Nous, la maison, là, elle est tout à refaire. Hein. Mais il y a des gens qui sont bons, là. Ils ne restent pas, hein. Les voisins, déjà, ne restent pas non plus. C'est d'en face aussi, enfin, bon. Mais ma mère, à 88 ans, vous allez la faire aller où? Si nous rachetons la maison à un bon prix, mais bon. La maison, elle va, d'après le préfet, ça ne vaut plus rien. On a encore 2 ou 3 ans de temps, je crois, hein, pour voir ce qu'il faut faire. Vous savez là ce que vous risquez? C'est-à-dire? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ben, c'est vraiment une grosse explosion, mais bon. Il y en a eu, hein, mais bon. La maison, elle tient le coup, mais bon. Donc vous n'avez pas peur? Oui et non. On n'y pense pas. Le mal, quand il doit venir, il vient. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais apparemment, la raffinerie, elle est bien protégée. Hein. Enfin, mais bon. Des fois, on y pense, des fois, on n'y pense pas. C'est vrai. Quand des fois, la flamme, elle est vraiment haute et haute et haute, ça fait peur. C'est vrai. Mais après, ils nous disent qu'ils font sortir le gaz. Bon. Je vous ai bien renseigné? Ah oui, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Patrick Lagadec, spécialiste en gestion des crises émergentes. Une catastrophe, un accident, la notion est claire. Qu'est-ce que la notion de risque majeur nous apporte? Qu'est-ce qu'elle vient dire? La notion de risque majeur vient de l'idée au départ qui m'était apparue dans les années 79-80, que désormais le risque sortait de l'enceinte industrielle. Et donc, ça devenait un problème politique parce que l'extérieur avait de fait droit, en tant que citoyen dans une démocratie, de poser des questions à l'intérieur de l'enceinte industrielle. Et donc, on passait d'un problème uniquement technique à un problème sociétal, et c'est ça qu'il fallait poser. Au départ, c'était étonnant, parce que le risque, c'était d'abord un problème juridique, ensuite, ça a été ouvert à un problème technique, ensuite, un problème économique, et je souhaitais le poser en termes politiques. Aujourd'hui, près de 2000 phénomènes dangereux, explosions, fuites, toxiques, incendies ont été recensés ces dernières années dans la vallée de la chimie. Par exemple, en février 2019, des inspecteurs relèvent des tuyauteries défectueuses pouvant provoquer une catastrophe chez ChemOne. En 2012, une fuite d'hydrocarbures est constatée chez Rhônegaz, enfin, et bien d'autres incidents. Comment est-ce qu'on peut expliquer, alors que le risque est beaucoup plus mesuré, alors que les procédures sont de plus en plus précises, il y a autant d'incidents? Le risque, c'est un combat permanent. Ça suppose de la rigueur à tous les stades. Dans les années 80, il y a eu énormément de travaux sur la fiabilité organisationnelle qui montrent que ce sont des systèmes humains avec des contraintes et des décisions aussi bien économiques que de mode de fonctionnement du travail, mode décisionnel à l'intérieur des entreprises, d'environnement dans lequel on se trouve, de concurrence internationale, et c'est tout ça qui compte. Plus quelque chose d'absolument fondamental, c'est qu'il faut des autorités de contrôle qui soient fortes, indépendantes et respectées. Et vous avez vu récemment sur l'affaire du Boeing 737 MAX, lorsque la FAA, donc l'autorité de contrôle américaine, en gros semble avoir laissé la main à Boeing pour s'auto-certifier. Et donc elle n'est pas indépendante puisqu'elle laisse les clés à l'opérateur, et elle n'est pas bien respectée puisque en gros on fait sans elle. Là vous avez la génération de vulnérabilité critique. Mais si vous avez un milieu économique qui est en grande difficulté, si vous avez des tensions dans tous les sens, et s'il n'y a pas ce regard suffisant, ça se traduit soit par une série d'incidents que j'appellerais alarmes, sur lesquels il faut se mobiliser pour aller voir ce que ça veut dire, soit éventuellement sur des drames, parce qu'il y a une conjonction de problèmes qui n'ont pas été maîtrisés. Alors, si l'on pense au PPRT, c'est très lent, c'est une négociation extrêmement lente qui se passe pratiquement sur une dizaine d'années. C'est extrêmement long pour les habitants. Tout ce qui est risque est toujours très très long. Bon, ça suppose de la conscientisation des uns et des autres, de la prise de responsabilité et puis de l'autorité pour savoir sur quoi il y a négociation possible, sur quoi il n'y a pas de négociation possible parce que, etc. Ça peut devenir extrêmement compliqué. Moi, je me rappelle une réunion préfet dans laquelle un préfet a dit « Je veux bien évacuer les zones à risque, mais c'est les deux tiers du département. » Je crois qu'avec le changement climatique, nous jouons à autre chose. Et donc, comment je renégocie des contrats sociaux sur un environnement qui a changé? Justement, pour avoir une pensée adaptée à des univers qui, aujourd'hui, deviennent de plus en plus complexes. Et qui ne sont pas seulement « j'ai une raffinerie, quel est le problème ?» et « je fais le rayon autour, je garde les vents ». Non, c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui. Bon, là, la chimie s'est installée au sud de Lyon, effectivement, dans l'ère de l'industrie au 19e siècle, au milieu du 19e siècle. Stéphane Friou, historien des pollutions. Au moment de la catastrophe de Fézin, on l'a surnommé le couloir de la chimie. Qui est une expression qui est un peu abandonnée par les pouvoirs publics parce que ça sonne un peu péjoratif et dangereux. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on entend quand on entend couloir ? Un couloir, par définition, est un peu renfermé. Donc, dans le couloir, il peut y avoir une accumulation de dangers. Alors, on peut difficilement s'en échapper. La vallée est plus ouverte dans l'imaginaire. Et cette chimie est très variée. Puisque ça va de l'acide sulfurique produit de base jusqu'aux médicaments. Le nom qui parle le plus à ceux qui ont connu cette époque, c'est Rhône Poulenc. Ah bah aujourd'hui, on sent rien, hein. Vous êtes comme moi, hein. On sent rien, mais parfois, il y a vraiment des trucs délâchés, mais ça, elle semble moins, beaucoup moins importante qu'à une époque. C'est pas du chocolat qu'on construit là, il hein, faut dire les autres comme elles sont. Hein. Qu'est-ce qu'on construit ? Des produits chimiques, hein, malheureusement. Et en industrie, il faut gagner, hein, il faut pas, on veut pas perdre quand même le patrimoine qui était, parce que il faut dire les choses que la technologie française est l'une des meilleures au monde. Monsieur Benahouda, vous avez travaillé sur des sites industriels ? Moi, j'ai travaillé, je vous dis, j'ai fait ma carrière ici à Arkema. J'ai travaillé dans des installations à haut risque. Mais il y avait une sécurité. Vous avez une barrière des murs. Par exemple, je vous parlais d'un instrument, un autoclave. Un autoclave, c'est, je sais pas, 150 bars, 200 bars de pression. C'est immense. Mais c'était conçu. Les ingénieurs avaient étudié qu'il fallait mettre un mur qui était épais pour empêcher de l'explosion qu'elle parte. Elle s'écarquille, qu'elle monte. C'est quand une explosion elle monte, vous avez moins de danger qu'une explosion qui s'éclate. Ils ont misé beaucoup sur la sécurité, la preuve. Et il y avait des. Je crois qu'on était plus atteint, plus de danger sur la corrosivité, tout ce qui est produits corrosifs, les acides et tout, que l'explosif. On a arrêté la croiline, qui était faite une nourriture pour les poulets. Qu'est-ce qu'on a arrêté aussi les acides fluorhydriques. On a fabriqué de l'acide sulfurique, le chlorate, la lessive, on a tout fait ici. Et là, il y a de moins en moins de. La dernière des réussites qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle le produit de substitution, le CFC. Donc, on a fait sur les foranes. La destruction de l'ozone, l'ozone c'est comme le foran 11-12, ils n'en fabriquent plus. On a trouvé un autre produit qui s'appelle le 134, on a fait le 134, et maintenant on a fait des recherches, on a trouvé un produit qu'on appelle le 125, on ne le fait plus en France, c'est fini. Ils le fabriquent carrément en Malaisie. J'ai d'ailleurs un ami qui va faire la restructuration pour les foranes. On déplace le danger. On vend nos projets. Hein, on gagne de l'argent. Vous croyez que les autres, ils s'en privent, les Américains et les Russes. Elsa Dorlin, il y a toujours eu des mesures du risque, il y a toujours eu des épreuves de vérité. De toute façon, la notion même de risque, elle est intéressante parce que si on décide de mesurer le risque et non pas le danger, par exemple, d'un produit, d'un vêtement, d'un bien consommable, la décision de mesurer le risque a pour postulat de considérer qu'un risque, même minimal, est potentiellement possible et on peut précisément exposer des populations à un risque. Et tout dépend évidemment de l'échelle du risque qu'on considère comme problématique ou pas et où est-ce qu'on met le curseur. On estime qu'à tel degré, eh bien, c'est encore envisageable d'un point de vue économique évidemment, mais d'un point de vue moral, politique, mais y compris d'un point de vue démocratique. Probablement, on a acclimaté aussi des populations à considérer il n'y a pas de risque zéro, et du coup, il faut prendre un peu de risque. Il faut prendre un peu de risque. C'est-à-dire qu'en mangeant, en m'habillant, en respirant, en travaillant, je prends un peu de risque. Mais concrètement, ça veut dire qu'en faisant toutes ces activités vitales et puis ces activités évidemment qui matériellement me permettent d'assurer ma vie, comme le travail, la production, eh bien, je risque ma vie en fait. On peut faire l'expérience même très quotidienne justement d'allumer la radio, de lire, d'ouvrir un journal et de voir que chaque nouvelle en fait touche à notre vie quotidienne et touche à quelque chose, à un geste que j'effectue, à un produit que j'ai chez moi, que j'utilise ou que je consomme et qui est potentiellement dangereux. En fait, l'information a toujours existé. Mais cette information a été soit, évidemment, on en a rendu l'accès plus ou moins difficile, soit elle a été traduite en des termes très difficiles, par exemple, à appréhender ou à rendre intelligible pour la plupart. Et on le voit, un des exemples que je trouve le plus parlant, c'est sur, par exemple, les produits ménagers. qui utilisent des molécules ou des éléments qui sont à une très haute teneur toxique, eh bien, ces produits ménagers dont on pouvait sentir l'odeur, dont on pouvait voir qu'ils étaient agressifs pour la peau, qu'ils piquaient les yeux, etc. Toute cette information sensorielle auquel on a accès, dont on fait l'expérience, elle va être complètement retraduite, resignifiée par toute une rhétorique sur c'est une odeur qui désinfecte, c'est pour que ça sente le propre. Voilà, pour que ça sente le propre, il faut que ça pue la javel. La javel voilà, détruit le corps, mais ça sent le propre. Cette resignification, on voit bien qu'en fait, sur la base, c'est de l'information, mais qui est pris dans un circuit, pour le coup, idéologique, en fait. Hein, c'est des mécanismes idéologiques, c'est-à-dire qu'on va, d'une information sensorielle, on va lui imposer un sens, et ce sens, eh bien, il va se généraliser. Donc, pour être considéré dans son intérieur, par exemple, eh bien, il faut s'empoisonner. Donc, c'est toute cette idée. Moi, je fais très attention à cette question de l'information, parce que je pense que ce serait trop facile de considérer, par exemple, maintenant, on a accès à l'information, et c'est ça qui nous rend impuissants, par exemple. C'est que ça touche tellement à chaque geste, à chaque chose. Mais même, j'imagine ce geste de soin, de donner à manger à son enfant avec une cuillère en plastique qui est toxique, à le changer avec des produits qui sont toxiques. Donc, c'est presque... L'impuissance, elle vient de cette forme de trahison à soi-même, en fait, ou de trahison vraiment sur les gestes vitaux. C'est-à-dire ce que je pense être un geste de soin et ce que j'utilise pour le faire. Eh bien, en fait, je trahis moi-même ce soin parce que je deviens presque un rouage de l'empoisonnement. Est-ce qu'on peut parler de contamination totale ? Tout dépend de la façon dont on voit la contamination. Hein. Encore une fois, ce mot est aussi une construction sociale qui peut être utilisée par des personnes avec des visées différentes. Stéphane Friou. Évidemment, même le réchauffement climatique est un indice d'une contamination. On ne l'appelle pas comme ça, mais l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère est aussi évidemment d'origine anthropique et donc liée à tous ces facteurs. Voilà. Donc, on modifie l'environnement d'une façon de plus en plus importante depuis les années 1950. Il y a des personnes qui maintenant promeuvent des nouveaux concepts, comme celui d'anthropocène aussi, pour essayer d'évoquer cette ère de contamination et de changement global sur tous les plans. On a beaucoup parlé d'air, un peu du Rhône, mais il y a également la question des sols, de l'usage de pesticides par l'agriculture ou de l'héritage des métaux laissés par l'industrie qui a quitté notre sol depuis quelques années maintenant. Alors, ça devient une sorte de fait total de parler de contamination, comme ça à la fois mondiale, locale et mondiale. Oui, c'est l'articulation des échelles qui est importante et qui est l'un des objectifs. Hein. Nous, en histoire environnementale, on essaye de montrer que les frontières communales, départementales, nationales ne sont pas forcément opérantes pour travailler donc sur les phénomènes étudiés. Et c'est le croisement des échelles depuis les alentours d'une usine ou le bassin d'une petite rivière jusqu'à effectivement à une vision plus large, transfrontalière. Les archéologues ont quand même montré que dans les calottes glaciaires de l'Arctique, on retrouve des traces du plomb émis par les fonderies de l'époque romaine. Donc les Romains d'il y a 2000 ans étaient également déjà responsables d'une forme de contamination globale. Cette nouvelle théorie de la collapsologie, c'est-à-dire que nous serions tous pris dans une sorte d'effondrement et cela comme un raz-de-marée, qu'est-ce que vous en dites, vous, avec votre perspective à la fois historique et locale ? Bon, l'historien est mal placé pour prédire le futur. Hein. Il semble quand même que maintenant, il y ait une vraie prise de conscience de l'échelle sans précédent des modifications produites au cours du XXe siècle. Hein. Bon, est-ce que cela va engendrer un effondrement global? Ça, c'est quand même difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que le niveau des océans monte, les glaciers fondent, que la plupart des produits fabriqués depuis une cinquantaine ou une soixantaine d'années contiennent des particules, des molécules dont on soupçonne de plus en plus la toxicité. Plutôt qu'un effondrement, on peut parler effectivement d'une dégradation multiple, chronique, qui peut engendrer aussi des réactions d'inquiétude, qui doit aussi peut-être susciter des mobilisations d'expertise pour essayer justement de remédier à cela et de changer de modèle de production. Patrick Lagadec, si on parle donc de la vallée de la chimie, de ce couloir-là, on parle d'une autoroute qui est en zone rouge, on parle d'une gare de triage. Alors là, ce sont des risques cumulés, est-ce qu'on peut parler de plus grandes combinaisons de risques dans cette zone? C'est sûr, vous avez une concentration d'industrie, et depuis les années 70, il est clair que c'est un des grands centres en France d'industrie. C'est à travailler en tant que accumulation de phénomènes à risque. Et effectivement, quand vous mélangez des sites industriels fixes avec des autoroutes, avec éventuellement un aéroport, avec les chemins de fer, plus alors tout le reste, plus les inondations qui ne sont plus celles qu'elles étaient. Voilà, c'est un milieu constamment en développement. Et donc, l'idée, c'est d'être en avance de phase sur les risques. Et j'aime bien une des idées de celui qui a repris la sécurité civile américaine après Katrina, où il y a eu un énorme problème, qui dit « nous devons fracturer nos univers mentaux ». Pour être capable de visualiser, de cartographier, de penser ces nouveaux risques, non pas en fonction de ce qui était valable dans les années 66, mais sur les territoires de risque que nous avons aujourd'hui. Mais alors la question qui va se poser, je fais comment ? La région Rhône-Alpes se positionne comme la première région de production chimique et la France comme second producteur européen. C'est dire si les exportations par voie ferroviaire et routière élargissent le champ du risque industriel. Ajoutons-y les risques naturels. Et si l'aléatoire et ses impossibles algorithmes venaient à nous surprendre ? Direction Grenoble. Céline Lutoff, quand on arrive à Grenoble, dans la poursuite du couloir de la chimie, il y a un fleuve, une rivière qui longe l'autoroute, qui s'appelle le Drac. Tout de suite, on a l'impression d'arriver comme ça, presque avec l'eau à Grenoble. Oui, oui, c'est un peu le cas, c'est vrai. Et en fait, Grenoble est très marqué dans son histoire par l'eau et par les rivières. Donc, Grenoble est traversé par le Drac d'un côté, le long du Vercors, et l'Isère de l'autre côté. C'est ce qui donne cette forme d'oiseau qui est le symbole de la métropole grenobloise. Le Drac, c'était le dragon. Exactement, le dragon. Et de l'autre côté, l'Isère qui aussi faisait parler d'elle, faisait des inondations. Donc, en fait, les Grenoblois ont vécu avec les inondations pendant des centaines et des centaines d'années, jusqu'à ce que on prenne en main, on ait l'impression de reprendre le contrôle en fait de ces cours d'eau, en les endiguant, en faisant des barrages en amont, en faisant tout un tas d'opérations directement sur le cours d'eau. Mais Grenoble est une cuvette entourée de versants. Il y a trois massifs qui entourent Grenoble, la Chartreuse au nord, le Vercors à l'ouest et le Belle Donne à l'est. Et de ces versants, qui sont parfois très proches de la ville, hein, la ville s'appuie dessus dans certains cas, descendent aussi des cours d'eau qui sont des torrents. Et ces torrents, eux, ne sont absolument pas endigués et ont totalement disparu de la connaissance même des habitants. Il y a certains de ces cours d'eau qui, une fois qu'ils sont descendus des versants, traversent Grenoble, mais personne ne se souvient qu'ils sont là. parce qu'ils sont complètement, on a construit dessus. Ils sont busés et on les a complètement recouverts. S'il s'avère que certains orages plus violents, peut-être parce qu'on voit des orages très violents se produire, des tempêtes, il y en a eu une en décembre 2017 et janvier 2018, qui notamment ont fait réagir ces torrents, ces cours d'eau, ces petits cours d'eau de montagne, si ça devait se produire dans les alentours de Grenoble, ça risquerait de surprendre un certain nombre de personnes, oui. Carrément. Les crues du Drac ou de l'Isère sont contrôlées, mais on ne sait pas ce qui se passerait s'il y avait cette crue, une crue de l'Isère ou du Drac, plus une crue torrentielle qui arriverait au même moment. Ça, par contre, on ne sait pas trop comment le gérer. Néanmoins, la ville et puis la région travaillent à des scénarios catastrophes. Alors, à des scénarios pas aussi clairement que ça. Et notamment ces scénarios de concomitance possible entre une crue de l'Isère ou du Drac avec des petits cours d'eau qui descendraient des versants, on n'en est pas encore au scénario. On a besoin de travailler encore sur la connaissance de ces configurations-là avant de pouvoir proposer des scénarios. Parce que c'est des phénomènes atmosphériques et météorologiques qui sont excessivement complexes. Et du coup, pouvoir dire de manière très précise, ça va concerner tel et tel et tel endroit, précisément, c'est extrêmement compliqué. On peut prévoir que la situation peut être critique, mais aller plus précis que ça, pour l'instant, ça pose encore problème. Ouais. Est-ce que les alarmes du GIEC ou l'évolution du changement climatique interviennent sur votre observation de ces phénomènes extrêmes ? Alors oui, complètement, parce que la grande problématique, c'est de savoir finalement ces phénomènes extrêmes et c'est ce qu'on a observé jusqu'à maintenant, comment ça va évoluer dans l'avenir. Avec le changement climatique, est-ce qu'on va avoir une augmentation de ces phénomènes ou au contraire une réduction? Est-ce qu'on va avoir une intensification de ces phénomènes? C'est-à-dire que la fréquence va pas changer, mais par contre, ça va être beaucoup plus violent. Ça, c'est des choses qu'on a encore du mal à saisir pour l'instant, notamment parce que les modèles du GIEC, l'étude qui est faite du changement climatique, à l'heure actuelle, elle se place à l'échelle internationale, à l'échelle globale de la planète tout entière. Lorsqu'il s'agit de descendre en échelle jusqu'à ce qui peut se passer localement, c'est excessivement compliqué parce qu'on est sur du coup des modélisations dans lesquelles il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte et du coup énormément d'incertitudes. En gros, on ne sait pas dire. Et cette problématique-là des concomitances d'événements hydrologiques qui n'ont pas l'habitude de se produire ensemble parce que les configurations météorologiques faisaient que jusqu'à présent les crues torrentielles c'était à une période, les crues des grands cours d'eau c'était à une autre période, mais de plus en plus on voit que ces périodes se rapprochent et donc ces phénomènes-là on risque d'en voir de régulièrement dans les années qui viennent, c'est certain. Il est urgent d'agir, ça c'est une certitude. Mais par contre, est-ce que tout va s'effondrer? Justement, le risque de dire tout risque de s'effondrer dans 20 ou 30 ans, ça peut aussi amener à se dire c'est pas la peine de faire quoi que ce soit, du coup, puisque il y aura plus rien. Patrick Lagadec, comment faire lorsque la catastrophe surgit en dehors de toute typologie conçue? L'ADN de notre réflexion en termes de risque, ça a été et ça reste d'établir des typologies. Donc vous avez le naturel, le technologique, le social. À l'intérieur, vous avez des sous-typologies, l'inondation, le feu, etc., etc. Et pour chaque type de typologie, vous avez un type de réponse. Le problème dans lequel nous baignons, c'est comment vous allez faire intervenir autant de spécialistes et de corps d'intervention spécialisés sur chacune des typologies concernées, et là-dessus faire de la bonne coordination, plus de l'information du public. Ça, c'est nos univers mentaux des années 90. Bon, ça, c'est le terrain que l'on connaît. Aujourd'hui, la question que vous posez, c'est quand ça sort de ces typologies, mais quelque part, vous retrouvez avec une carte qui n'est plus la bonne, parce que ça va émerger dans tous les sens, c'est pas prévu. Et l'image qui peut vous venir à l'esprit de tout le monde, c'est les tours World Trade Center le 11 septembre. des tours qui étaient les plus sûres au monde, les plus sûres aux États-Unis, qui étaient réputées comme étant indestructibles. Et là, l'idée que j'essaie de développer de plus en plus, c'est de dire, certes, il y a une hémorragie, il faut la traiter avec tous les gens qui savent faire de l'urgence, et c'est indispensable, mais il faut que pour piloter la chose, vous ayez auprès des dirigeants, notamment, ce que j'ai appelé force de réflexion rapide, c'est-à-dire un petit groupe de personnes qui sont là pour s'interroger, pour ne pas être juste « j'appuie sur le bouton, j'ai la réponse, ah, ça ne marche pas ». Non, je m'interroge. De quoi s'agit-il ? Sur Katrina, par exemple, ils sont tous partis sur l'idée « c'est un cyclone ». Or, ce n'était pas le vent le problème, c'était l'eau. De quoi s'agit-il ? C'est la première chose qu'il faut se poser. Et sur des modalités qui sont plus celles d'avant, quoi, parce qu'on avait l'habitude de nous avoir des événements, aujourd'hui c'est des engloutissements. On avait l'habitude d'avoir un ground zero, comme il disait, c'est bien isolé, maintenant c'est peut-être ubiquité. Vous aviez de l'incertitude, maintenant c'est de l'inconnu. Sur la fin de la vache folle, par exemple, il y avait un grand expert qui nous disait « Moi, je peux vous trouver, hein, je vais mettre en place deux équipes de recherche, d'ici 15 ans, je vois clair. Oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant ?» Donc, inconnu, ce qui est tout à fait différent que de l'incertitude. L'incertitude, c'est « je garde quand même mes fondamentaux ». Et autour de ça, j'ai tout un rayon où je ne sais pas trop, mais l'expertise va me permettre de le faire. Ici, c'est l'expertise ne sait plus. Et donc, c'est l'inconnu. Céline Lutoff, quels sont les risques combinés à Grenoble ? Parce qu'un scénario, ça doit être des catastrophes, ce sont des risques combinés. Alors, une catastrophe, elle peut se produire même s'il n'y a qu'un seul aléa qui se produit. Hein. Il peut y avoir effectivement une très grosse inondation du Drac ou de l'Isère qui inonde complètement Grenoble et qui soit susceptible de causer une réelle catastrophe. Et un des scénarios dont vous avez peut-être entendu parler, qui a fait couler beaucoup d'encre concernant Grenoble, ça a été l'effondrement des ruines de Séchilienne, qui est un versant au sud de Grenoble. C'est tout un versant qui s'effondre petit à petit. On ne savait pas, en fait, si ce versant allait continuer à lâcher des pierres, des blocs plus ou moins gros. Quand je dis des pierres, ça peut être des blocs importants hein, qui ont bloqué la route. La route a dû être déviée, etc. Mais on ne savait pas si ça allait continuer à se faire comme ça petit à petit ou si ça allait être vraiment tout le versant, donc plusieurs millions de mètres cubes, qui allait bloquer cette vallée. La montagne s'effondre, exactement. Et auquel cas, dans ce type de scénario-là, qui a été étudié, avec un gros effondrement, ça pouvait provoquer un barrage de la Romanche, qui est un des cours d'eau qui vient alimenter le Drac et donc qui rejoint Grenoble ensuite. Et ce barrage naturel, lorsque ça s'est produit ailleurs dans le monde, au bout d'un moment, le barrage finit par céder. Et en cas de rupture brutale de ce barrage, ça voulait dire qu'une énorme vague pouvait déferler depuis cette vallée de la Romanche, emporter toutes les usines chimiques qui se trouvent au sud de l'agglomération grenobloise et venir se fracasser sur la ville de Grenoble, finalement, avec des hauteurs d'eau qui étaient relativement importantes sur Grenoble. Depuis ces premiers scénarios catastrophes qui avaient été évoqués au début de ce problème des ruines séchiliennes, donc je dirais dans les années 90, d'autres travaux ont été faits et on sait aujourd'hui qu'il n'y aura pas un effondrement massif de l'ensemble du massif, justement. Donc c'est un scénario qui a des probabilités vraiment extrêmement faibles de se produire. Néanmoins, ça pose la question, si se produit un accident chimique, par exemple, ou une rupture de barrage, est-ce qu'on ne se trouve pas face aux mêmes situations et enchaînement d'événements les uns après les autres ? Ça, effectivement, c'est une question qui continue à se poser, qui n'est pas posée publiquement par les pouvoirs publics en tant que tels. On ne modélise pas encore ces risques combinés. La modélisation déjà de chacun des événements est une tâche compliquée. On n'a pas rajouté là-dessus ce dont j'ai parlé tout à l'heure pour faire un événement. Il y a le phénomène naturel, mais il faut qu'en face, il y ait des activités, des hommes, etc. Ça aussi, c'est l'occasion de modélisation qui sont relativement complexes. Il faut déjà arriver à combiner, à coupler ces deux modélisations du phénomène d'un côté, pardon, et de l'exposition de l'autre. Donc non, on n'en est pas là encore. Et le grand risque, c'est d'avoir des systèmes qui ne sont plus pilotés. Du côté autorité, on largue. Et puis du citoyen, qui est de dire, bah, Comme de toute façon, je ne fais plus confiance, je me recroqueville dans ma bulle. Et entre petites bulles, je me fais des histoires. Et sur le mode qu'on entend de plus en plus, votre expertise, je m'en fiche parce que moi, j'ai une opinion et je la garde. Donc, comment vous faites un développement de confiance sur un socle pareil? Voilà le sujet dans lequel nous commençons à baigner en 2018. Et il est vraiment urgent parce que si vous prenez les menaces actuelles en climat lié à la santé, en attaque informatique, etc., etc., on va sortir complètement. Et évidemment, tout ce qui est climatique et les chocs, y compris en fourniture alimentaire. Donc, sur tous les fronts, on est avec des milieux dans lesquels les cartographies instinctives que nous avons dans la tête ne sont plus les bonnes. Et je crois qu'on n'a encore rien vu. Quand on aura vu l'intelligence artificielle arriver, là, je lisais récemment un livre fait par un Chinois, mais sur comment il se comporte par rapport aux Américains sur l'intelligence artificielle, ça ouvre des perspectives assez... un traitement de données à très très haute vitesse qui fait que on va vous donner une logique qui, pour vous, est étrange, mais on vous assure que technologiquement, c'est ce qu'on a trouvé de mieux, que de toute façon, vous n'avez pas les données, mais qu'eux les ont. Bon, et ça vous donne le dernier roman qui s'appelle Sarah sur intelligence artificielle et pandémie touchant le pays, où c'est l'intelligence artificielle qui prend le pouvoir. Bon, si on vous dit qu'un système d'intelligence artificielle contient des boîtes noires sur lesquelles on n'a pas accès, même l'expert, là, vous passez à un autre niveau, hein. On dira que ce n'est pas encore tout de suite. Oui, bon. Et là, vous voyez, quand Facebook et les autres se démènent pour dire que c'est tellement compliqué, il faudrait que l'État s'en occupe, et qu'ils disent très compliqué d'avoir accès à la logique interne de notre système. Le principe même d'intelligence de mon affaire, il est en boîte noire. Bon. C'est vraiment très, très à l'horizon. Il ne faut pas en faire un buzz. Mais c'est juste un élément de plus qui montre qu'on rentre dans des terrains sur lesquels c'est plus... attendez, j'ouvre le grand livre du maître et j'ai la réponse en page 254. C'est plus ça. C'est, écoutez, vous avez 10 minutes pour me trouver quelque chose de pertinent et de crédible et qui renforce la cohésion et non pas l'exclusion. Bon, voilà les nouveaux terrains tels que je les ressens en termes de risque et de crise. C'est-à-dire que la puissance de la technologie fait qu'elle est hors de contrôle. C'est un petit peu ça l'idée ? Lorsque j'ai fait mon travail sur les ruptures, il y avait un philosophe qui m'avait dit « nos œuvres nous quittent ». Quelle est encore notre mainmise sur nos technologies, les développements, ceux qui sont sous contrôle, ceux qui éventuellement nous échappent, ici ou ailleurs ? Avec l'importance de l'interconnexion des risques, est-ce qu'on peut se représenter la complexité même de ce à quoi on a à faire face ? Je crois que l'importance, ce n'est pas d'avoir la cartographie, mais le problème, c'est est-ce que je suis capable d'habiter ce monde très complexe sur lequel aucune carte ne va donner satisfaction ? Quand vous franchissez le Cap Horn, vous n'avez pas une carte de chaque vague. Ça va être un peu compliqué, mais la qualité du skipper, c'est justement d'être en mesure d'intégrer tous ces éléments, d'ajuster et d'inventer lorsqu'on lui présente un tableau qui n'était pas prévu. Parce qu'aujourd'hui, on n'aura que des tableaux imprévus parce que cette complexité du monde, elle est comme elle est. Avec la catastrophe. Nejma Bouakra, Yvon Croisier. Avec des habitants du couloir de la chimie. Céline Lutoff, spécialiste des risques extrêmes et des vulnérabilités. Stéphane Friou, historien des pollutions. Gwenola Lenaour, politologue spécialiste des régulations en santé publique et environnementale. Renaud Becot, historien de la santé au travail et de l'environnement industriel. Patrick Lagadec, consultant international en pilotage des crises. Elsa Dorlin, philosophe. Documentation, Annie Signoret, LSD, chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier, coordination, Perrine Kervran.